Ne cherchez plus, c'est 'est-ce que j'aime ce générique, j'adore. Je ne sais plus depuis combien d'années j'utilise ce générique. C'était pas le générique du début, il y a 34 ans. Déjà 34 ans, oui. Mais ça doit faire plus de 20 ans que je suis là. Ouais, 20-25 ans facile, je pense. Bon, est-ce que vous allez bien? J'attends vos réponses. Enfin, en tout cas, moi, ça va. Et je suis ravi de vous retrouver sur le 90.7. C'est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h. Et aujourd'hui, c'est une journée encore plus particulière puisque c'est la saga des Fab Four de Julie Harrison, la très belle Julie, qui m'a proposé de me faire un spécial. Un spécial Paul McCartney. Et moi, quand on me dit, est-ce que je peux te faire un spécial Paul McCartney? En général, je dis oui. Je lui ai donc dit oui. Et voici donc la deuxième partie au programme. Vous voulez que je vous donne les 5 premiers? Allez, comme je suis un petit peu coquin, je vous en donne 4 seulement. Le premier titre, ce sera I Want to Come Home sur l'album Everybody's Fine de 2010, la bande originale du film. Il y aura également Off the Ground, tiré de l'album éponyme Off the Ground de 93. Également Hope of Deliverance sur le même album. Puis Mr. Bellamy sur Memory Almost Full de 2007. Pour le reste, eh bien, 32 chansons de programmer. Est-ce que nous irons jusqu'au bout? On le découvrira tout à l'heure. Vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Également, si vous souhaitez prendre des renseignements, par exemple sur Paul McCartney, vous allez dans macaclub.com. Et vous allez tout savoir sur Paul McCartney. Vous pouvez aussi aller sur Twitter avec le hashtag SagaFabFor. On est ensemble jusqu'à 22h. Merci à la très belle Julie d'avoir eu la gentillesse de me programmer l'intégralité de l'émission. Et donc, je lui laisse la place dans quelques secondes. À tout de suite. Restez là. 90.7, www.rigfm.fr. C'est la radio des Beatles. Bonjour à tous, je suis Julie Harrison et je vous présente ma saga des Fab Four spéciale 100% Paul McCartney. J'espère que vous passerez un bon moment et que vous allez apprécier les morceaux que j'ai choisis spécialement pour vous. Excellente soirée avec Titi et la saga des Fab Four. Out of my- But it's been too long. Now I wanna come home. Thank you. toujours sur le même album, Hope of Deliverance, sur RIG. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Là, précise sur Facebook que Paul McCartney a joué cette chanson-là au Soundcheck à Bercy en 2016. Et il y a une belle vidéo, paraît-il, sur YouTube. Je dis ça, je n'ai rien dit. Salut Paul. Hello, this is Paul McCartney. You. I like it up here without you. anyway. Sit tight, Mr. Bellamy. This shouldn't take long. In the delusionary state, no wonder he's been feeling strange of late. Nobody here disposes you. Interfere with my plans. Bellamy's got a job to do, and he's hoping you'll understand. Steady, lads. Don't frighten me. Here we go. Here we go. I'm not coming down, no matter what you do. I like it up here without you. Nous sommes en 2007 sur l'album Memory Almost Full et on peut constater une chose, Paul McCartney, qu'on choisisse une chanson de 1970 ou de 2007, il reste un élément qui est évident, c'est la qualité. Il aime faire de la musique et j'ai lu, pour être exact, sur Facebook, une bêtise qui disait que l'album qui va sortir serait son dernier album parce que il n'y arrive plus. Je pense pas. Je pense que Paul McCartney va continuer aussi longtemps qu'il aura des forces pour le faire et c'est quelque part tant mieux. Bon, il prend du temps. Là, j'aimerais bien que ça sorte maintenant, ça serait bien. Mais je suis certain, on va l'avoir l'album. Il y en aura d'autres aussi, j'espère. J'espère qu'il va tenir encore très très longtemps. On a besoin de toi, Paul. Allez, nous avons écouté I Want to Come Home de 2010, Off the Ground, Hope of Deliverance de 93 et Mr. Bellamy. Nous allons parler de Lovely Rita parce que il n'y a pas de Beatles, donc il faut parler de Lovely Rita. Et Lovely Rita, qui est-ce? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Someone setting them free. Someone breaking the chains. Someone letting them be. I want someone who can save me when I come home from the zoo. I need somebody who's a sweet communicator I can give my alligator to.

Ce soir, c'est Julie Harrison qui a fait le programme en intégralité et elle nous offre un très très très beau programme. Bernard sur Facebook dit « Pour moi, Once Upon a Long Ago est la chanson qui l'a remis en selle et lui a donné envie de repartir en tournée en 1989. » C'est tout à fait probable parce que c'est une très belle chanson. Et puis, il a dit déjà pour 1989 qu'il avait envie de revenir sur scène et qu'il avait envie d'avoir un très bon album pour pouvoir bien remonter sur scène comme il faut. Et il se trouve que Flowers in the Dirt était celui-là. Mais l'envie de remonter sur scène, oui. Ce qui a dû se passer aussi, c'est que quand on lit le bouquin de Philip Norman sur Paul McCartney, on se rend compte aussi, c'est par rapport à l'âge de ses filles. Fin 89, elle commençait à être suffisamment grande, à avoir envie de faire un métier, etc. Donc, il s'est senti libéré. C'est peut-être pour cette raison. Et là, qu'il a abandonné les tournées pour être un peu plus proche de sa famille. Et puis après, il s'est dit, bon ben ça y est, on peut recommencer, on peut y aller. Parce qu'au début, les enfants accompagnaient. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder et il faut que les enfants restent à la maison ou en tout cas travaillent. Donc c'est aussi peut-être pour ça. Mais tant mieux, il est revenu sur scène et maintenant, je pense qu'il va rester sur scène aussi longtemps que possible. Et quand tu veux, Paul, tu viens à Paris, on viendra. Promis. Et puis moi, ça fera, si jamais je retourne te voir, ça fera juste la quatrième fois que je dirai non, pas dans la fosse, je peux plus, c'est trop dur, mais j'irai quand même, sûrement. Door. faut que je vous avoue quelque chose aujourd'hui. Lorsque Julie a préparé cette saga spéciale Paul McCartney, elle m'a proposé un titre et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Est-ce que tu ne confonds pas avec quelque chose d'autre? Eh bien non, elle vous propose un bonus track de l'album Chaos and Creation in the Backyard que je ne connaissais pas. Il est seulement sur l'édition japonaise. Ça s'appelle She's So Beautiful et c'est vrai que Julie Harrison est très très beautiful. Et c'est la première fois que je l'entends avec vous sur RIG. pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. Come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Seems to have their own opinions. Who did this and who did that? But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. J'ai relevé deux commentaires sur Facebook au sujet de cette chanson-là. Early Days, les paroles et la musique sont top. C'est Stella qui marque ça. Et Pascal surenchérit en disant beau, simple en apparence, feutré, magnifique. J'ajoute que j'ai entendu dans une interview une version assez sympa sur cette chanson-là. Vous avez entendu qu'au début, sa voix déraille un petit peu, un tout petit peu. Et à la fin de la prise, il était prêt à recommencer. Il a dit, attends, mais je vais refaire mieux. Et le producteur, parce qu'il a eu, je crois, sur cet album-là, il y a eu un producteur pour chaque chanson. En tout cas, il a eu plusieurs producteurs, en tout cas. Il a dit non, au contraire, par rapport au thème de la chanson, c'est très bien et on va garder. Et c'est vrai que j'adore cet album New et vous êtes nombreux à le trouver très très bon. Et c'était son dernier album de 2013, donc vivement un nouvel album. Il ne nous a jamais fait 5 ans sans album, c'est rare, mais donc on attend le nouvel album. Merci Julie de nous avoir proposé cette belle chanson. Celle-ci, je l'adore. Ever Present Past sur Memory Almost Fooled. C'était en 2007. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I think I did. But the things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying, but still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. Toujours envie de faire quelque chose de nouveau. Paul McCartney en 2007 nous fait un clip dans lequel il ne joue pas d'instrument, c'est très rare, et dans lequel surtout il danse. Et ça, c'était une grande première. Alors les pas de danse sont assez simples, mais c'est mignon comme tout. Et puis il y a un petit trucage où on voit 50 fois McCartney, 50 fois aussi les belles hôtesses, enfin danseuses en tout cas, qui sont à côté de lui. Et c'est vraiment bien, c'est mignon comme tout. J'aime quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je laisse la parole à Julie pour le prochain titre. Ouvrez grand vos oreilles, vous allez maintenant écouter And I Lover, chanté par Paul McCartney et Amy Stewart. C'est en 1991 que ça se passe et vous allez adorer. Passez une très bonne soirée sur RIG avec Thierry Gallet. If you saw my love. j'adore cette version qui date de l'album Unplugged, sorti en 1991. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur RIG, merci Paul. Vous êtes sur RIG 90.7, sur www.rigfm.fr également si vous écoutez en dehors de la région bordelaise. Et je pense que la plus grande majorité des gens qui écoutent cette émission ne sont pas dans la région bordelaise, même s'il y en a, hein. Il y en a même qui écoutent sur 90.7, je le sais. Bref, ce que je voulais dire par rapport à cette émission spéciale McCartney, proposé et concocté avec brio par Julie Harrison, c'est que lorsque ce n'est pas moi qui choisis les titres, vous me poussez dans les retranchements, dans des chansons ou des instrumentaux auxquels je ne pense pas. Voici deux exemples. On va entendre, parce que McCartney, c'est d'abord un musicien, c'est un très très bon chanteur, mais c'est d'abord un musicien. Il a fait énormément d'instrumentaux dans sa carrière. On va entendre Christian Pop. Et ensuite, il y aura une obscure face B qui s'appelle Love Come Tumbling Down sur RIG. À la suite, dans la saga des Fab Four, préparée par Julie. Down. So let's forget it till I can make it all. deuxième partie aujourd'hui du spécial Paul McCartney offert par Julie Harrison. Voici Jenny Rain 2005, ce extrait de l'excellent album Chaos and Creation in the Backyard sur RG. J'aimerais assister aux soundchecks parce que quelquefois on a le droit à ça, une jam qui au fur et à mesure se complète et qui devient une chanson absolument géniale qu'il aurait pu sortir à tout moment sur un disque. India est une des chansons préférées, une bien sûr parmi des tas d'autres, et moi aussi je l'adore cette chanson. Montez le son, c'est Paul McCartney sur RG. cover, c'est une chanson qu'ont chanté John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, et que ce soit, même si c'est eux qui ont repris par exemple Little Richard, si quelqu'un reprend une chanson chantée par nos quatre amis, ça devient la cover de l'émission. La cover de l'émission est chantée par quelqu'un qui a quand même un sacré talent et qui a bien repris à sa manière le Come Together des Beatles. Voici Michael Jackson sur RIG. C'est la cover choisie par Julie. Extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Better life.

habite en Franche-Comté. Elle nous écoute forcément donc sur www.rigfm.fr. C'est Julie Harrison qui vous propose la saga de ce soir. Et Julie Harrison, vous devriez le savoir, c'est l'auteur d'un excellent premier roman qui s'appelle Londres à tout prix. Et si vous voulez le lire, passer un bon moment, être captivé par une première lecture de ce premier ouvrage, et j'espère qu'il y en aura d'autres, allez dans toutes les bonnes librairies, vous commandez ce titre pour l'anniversaire, pour ce que vous voulez, même pour le plaisir, Londres à tout prix. No Other Baby, c'est Paul McCartney, c'est sur l'album Run David Run en 1999. À l'album New de 2013. Voici Queenie Eye sur RG. 90.7, c'est la radio des Beatles. Merci à

seems to me the perfect way to spend an afternoon. We can look for castles, pretty castles in the sky. En 1989, lorsqu'il a créé Flowers in the Dirt, on lui a dit pour My Brave Face, ça sonne Beatles. Et il a répondu, bah oui, s'il y a des gars qui peuvent reprendre les Beatles ou dans le style des Beatles, c'est bien nous. been trying to compose it, baby. Will you please come home? No, it's been for you. As I clear away another untouched TV dinner from the table. The biker, she used to follow him across America, but the biker didn't like her. She didn't care, she still persisted, but her brother said she was twisted, and the family said they wouldn't miss her anyway. She loved the biker like an icon, gazing at his picture. To fix a meeting, she pulled it off one night in Hollywood. When he met her, he couldn't let her get away. He didn't ask for her permission, took advantage of her position, but he was always her ambition anyway. She loved her biker like an icon, gazing at his picture. So hard to find her. They shoot a picture across America, but no trace of her sweet face was ever found. She loved her biker like an icon, gazing at its picture every day. She loved her biker like an icon, slowly watching precious water drip away. On va y revenir à l'album Off the Ground, mais auparavant, l'album Flaming Pie pour deux chansons, Young Boy et Calico Sky, à venir sur RIG. Take so long. He's just a young boy. Sur Facebook. Ah là là, imaginez Paul qui vous chante ça au coin du feu. Ouais. On imagine, même nous les garçons, on a envie de chanter avec Paul et ce serait une superbe soirée d'avoir Paul au coin du feu en train de nous chanter n'importe quelle chanson, ce qu'il veut, l'annuaire même. Ce serait certainement très très bien. On revient à l'album Off the Ground avec I Owe It All to You sur RIG. Rappelez-vous, c'est la saga des Fab Four numéro 378 qui a été préparée par Julie Harrison intégralement. Thank you. 2006, George Michael invite Paul McCartney à chanter une chanson avec lui pour son best-of à lui. L'album s'appelle... j'ai perdu la ligne. L'album s'appelle 25, voilà, en 2006. Et voici la chanson qu'ils chantent ensemble, Heal the Pain, sur RIG. Vous êtes autorisé à faire tu du du du tu du du du etc. My love is a good, and that I'm not. How can I help you? Please let me try. bien sur RIG, les 22h passées de 1 minute. On remercie Eric d'être en déplacement. Comme ça, ça nous permet de finir la playlist. Il reste encore 3 chansons. Et je vous propose une des chansons que je n'avais pas pu passer la semaine dernière, faute de temps, mais je l'avais gardée sous le coude. Voici Give Ireland Back to the Irish. Paul McCartney sur RIG. Take it away. Give Ireland back to the Irish. Make Ireland Irish today. Great Britain, you are tremendous. Passons de 1972 à 2007 avec autant de bonheur, une sorte de remake de Helter Skelter en différent. Ça s'appelle Nod Your Head sur RIG. Ce serait l'album Memory Almost Full. We'll be right back. is my right. A right given by God. To live a free life. To live in freedom. Talking about Christophe McCartney pouvait durer un petit peu plus de 2 heures, c'est normal, mais c'est la fin. Voici le générique. Merci à Julie d'avoir concocté avec brio ce superbe best-of de Paul McCartney. On a bien compris, hein, donc qu'on le prenne avec les Beatles, ça c'est magique, c'est normal, mais après les années 70, c'est magique tout le temps. Il est doué, j'adore ce type. C'est mon idole, c'est votre idole aussi, et on espère, on lui souhaite d'être encore aussi bon pendant très très longtemps. Merci à vous tous et toutes, merci encore à Julie, et à très très bientôt. Ah, une chose, la semaine prochaine, je ne suis pas là, je ne vous dis pas où je suis, mais on pourrait se rencontrer quand même. À dans 15 jours pour un live. Salut, bisous aux filles, bisous à Julie, et toi une longue garçon suffira. Ciao.